deuxième temps d'une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire en nouvelle diffusion consacrée aux sexualités et à leur histoire. Aujourd'hui, un documentaire signé Anaïs Quien et Françoise Camard. Aujourd'hui, nous vous proposons d'entendre ou de réentendre dans notre série d'émissions sur la sexualité un documentaire diffusé dans la Fabrique en avril 2013. Il est signé Anaïs Quien et Françoise Camard et il nous raconte l'histoire singulière d'une ancienne religieuse devenue prostituée et proxénète à la Belle Époque. Une histoire retrouvée dans les archives par Daniel Grajnowski, mais dont les traces administratives et policières ne disent bien sûr pas tout de celle dont la vie est conservée dans un dossier, le dossier 1689. Elle s'appelait Eugénie Guilloux. Eugénie Marie Guilloux, née le 13 septembre 1861 à Paris, 21 rue des Poissonniers, dans le 18e arrondissement, de Théodore Julien Guilloux, mort le 26 juillet 1882, et de Marie-Eugénie Delaunay, remariée à M. Louis Crazeau, ingénieur et ancien chef de section principale en retraite de la Compagnie de l'Ouest à Aubenton, dans l'Aisne. Études faites au pensionnat des Sœurs de la Providence, à Montigny-le-Panelon, maison mère à Rueil-sur-Loire. Brevet de capacité second ordre, diplôme d'institutrice, obtenu à Chartres, Académie de Paris, à l'âge de 16 ans et demi, décerné le 27 mars 1878. Sortie du pensionnat vers le 15 août 1878, en remportant le prix d'honneur, la plus haute récompense. La demoiselle Guilloux paraît âgée de 40 ans environ, taille moyenne, brune, yeux noirs, corpulence forte, mal faite, assez fraîche de figure, mais pas jolie. L'inspecteur. La Belle Époque d'Eugénie, dossier 1689. Rapport de filature, Guilloux, la religieuse. Paris, le 12 octobre 1912. Ce jour, à 4h10 du soir, j'ai pris en filature la nommée Guilloux, la religieuse, ancienne tenancière, sortant du bureau de monsieur le commissaire de police et correspondant au signalement ci-après. Âgée d'environ 48 ans, de taille petite, cheveux noirs, yeux marrons, vêtue d'un costume marron, coiffée d'un petit chapeau de velours noir, garni de cerises, chaussures noires et tenant un sac de voyage. Sortant de la préfecture de police par la porte donnant sur le quai, cette dame prend le boulevard du Palais à droite, traverse le pont jusqu'au bureau d'omnibus, place du Châtelet, face le théâtre Sarah Bernard, où elle entre pour demander un renseignement au contrôleur de service. En sortant, elle va au bureau d'omnibus, rue Saint-Denis, où elle prend l'autobus place Saint-Michel, gare Saint-Lazare, se dirigeant vers la gare Saint-Lazare. Elle descend place de l'Opéra pour prendre la rue de la Paix, puis la rue d'Anjou, où, au coin de la rue Volney, elle s'arrête un instant pour mettre des gants de couleur marron. Sœur Marie Zénaïde, sœur Raphaël, épouse McCormack, Madame Delaunay, Madame de Florinval ou Madame Dulac, Eugénie a usé de nombreuses identités. Daniel Grojnowski exhume son dossier numéroté 1689 aux archives de la préfecture de Paris et nous donne à lire cet inconnu des archives. Rapport de quelques lignes ou de quelques pages, procès-verbaux de perquisition, contrôle sanitaire des maisons de prostitution et surveillance des pratiques sexuelles de la société française à la veille de la Grande Guerre. Preuve à l'appui, parcourons ce récit policier de la vie d'Eugénie Guilloux à travers les papillons découpés dans les petites annonces par les services de l'ordre, les lettres de dénonciation, de plainte ou de renseignement, qui nous révèlent une infime partie de la vie d'Eugénie jusqu'à sa disparition. Je l'ai juré, je ne reculerai devant aucun obstacle. Ma volonté les surmontera tous. Je remuerai ciel et terre pour que cet acte soit annulé, et il le sera. Faudrait-il pour cela saisir jusqu'à mon dernier sou, jusqu'à ma dernière bouchée de pain? Fallut-il, comme la Fatima de Victor Hugo, vendre mes cheveux et mes dents? Là, on a affaire à quelqu'un qui sait écrire, qui a de l'instruction et qui a envie de raconter des tas de choses parce qu'elle est dans une situation de contestation, de protestation. Elle a enseigné au couvent, elle a enseigné longtemps. Alors, Daniel Grojnovski, peut-être commençons par le début. D'où vient Eugénie Guillou? Les quelques fois où j'ai essayé de jeter un coup de projecteur sur cette personne, sur son itinéraire, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une part de fabulation dans ce qu'elle racontait. Mais qu'est-ce qu'on sait objectivement d'après ses archives? Ben, on connaît sa date de naissance. Hein. À un moment, on est un peu dans l'hypothèse, finalement, parce qu'il y a des actes objectifs, hein, acte de naissance, acte de décès de son père. Hein. Je crois qu'elle a 21 ans, son père, elle est déjà au couvent, le père meurt. C'est des pièces objectives. Et puis après, il y a ce qu'elle raconte. Et elle est certainement au moins fabulatrice, au moins un peu, peut-être au-delà de la fabulation, peut-être est-ce qu'on a affaire à un cas qui intéresserait le psychiatre, hein. Moi j'en sais rien si vous voulez. Alors dans ce qu'elle raconte, là il y a le doute si vous voulez, elle dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Elle dit par exemple qu'elle est d'extraction... noble, hein. Elle est la fille d'une comtesse, qu'ils avaient un château en Normandie. Alors moi j'ai écrit en Normandie, elle donne quelques renseignements sur la ville, on me dit non, Guillou, Delaunay, c'est des noms qu'on connaît pas ici. Alors il y a donc ce qu'elle dit, puis après il y a ce que dit la police, c'est encore un autre regard. Hein. Alors De tout cela naît comme une image un peu, comment dire, parfois hypothétique, en tout cas très intéressante, parce que c'est un destin de femme complètement extraordinaire pour l'époque. Hein. Déjà d'avoir une instruction, de pouvoir s'exprimer, d'archiver aussi, vous voyez, c'est extraordinaire. Elle est diplômée. Oui, elle a ce qui correspondrait, c'est un brevet hein, qui lui permet d'enseigner comme dans l'enseignement primaire, ça correspondrait à un baccalauréat d'aujourd'hui facilement. Hein. C'est une bonne instruction. Hein. C'est très rare chez les jeunes filles de cette époque. Mais c'est tout à fait exceptionnel. Et c'est pour ça qu'elle écrit, pour ça qu'elle argumente, c'est pour ça qu'elle proteste, c'est pour ça qu'elle se sent victime. Parce qu'elle est une femme d'exception, si vous voulez. Or, quand elle est au couvent, elle est avec ses consœurs, enfin, vous voyez, c'est une grande famille. Et quand on lui refuse de prononcer ses vœux après 10 ans, une douzaine d'années passées au couvent, elle se révolte. Hein. Entrée comme sous-maîtresse chez Madame Rivet, directrice d'une institution à Vincennes, vers janvier 1879. Appointement 25 francs par mois. Là, j'ai fait la connaissance de la première sous-maîtresse, Mademoiselle Maria Ruzio, qui me confie son désir d'embrasser la vie religieuse au couvent de Notre-Dame de Sion. J'entre en mai 1880, sur la recommandation du père Ledrapur, mon confesseur, et à l'insu de mon père en voyage à cette époque, chez les dames de Sion comme novice. Le 30 août 1882, je suis admise à la profession et j'émets mes premiers vœux annuels. Quelques jours après, je suis envoyée à la maison succursale de Jassy, en Roumanie. Dans l'année 1884, épuisée et surmenée, je suis prise d'un affaiblissement et d'un dépérissement général. La supérieure d'alors me fait revenir de Jassy en France, le 9 mai 1885. Le 1er septembre 1885, je suis de retour à Jassy. Le 8 septembre 1887, je suis admise à prononcer mes vœux de 5 ans. Quelques mois après, la supérieure générale Mère Marie-Rose est remplacée par la Mère Marie-Paul, celle qui m'a congédiée, refusant de me laisser prononcer mes vœux perpétuels. Au mois d'octobre 1888, je suis de nouveau malade. En juin ou juillet 1889, je demande à la supérieure générale de me faire revenir en France et de m'envoyer à Alger. Ceci m'est refusé. En août 1889, Je suis atteinte de pleurésie et je suis très mal soignée. En septembre 1890, on me fait revenir à Paris et l'on m'envoie à la maison de Grandbourg en Seine-et-Oise. Là, je suis persécutée et traitée d'une indigne façon, toujours malade et ignorant le nom de ma maladie. Alors, les Dames de Science, c'est un ordre qui a une histoire très particulière, hein, qui est fondée par les frères Ratisbonne, enfin un des frères Ratisbonne, qui sont des riches banquiers de Strasbourg, des banquiers juifs de Strasbourg. Et je crois que l'ancêtre très riche avait donné de l'argent à Louis XVI, qui lui a donné un titre pour le remercier. Enfin, il l'a reconnu en tant que roi. Et l'un des frères Ratisbonne se convertit au catholicisme. L'autre frère reste incrédule, athée, enfin athée. J'ai l'impression qu'il ne pratique ni la religion juive, ni la religion catholique. Et un ami, un jour, lui donne une médaille de la Vierge Marie. Il est en Italie, il dit « Fais-le pour moi, prends cette médaille. Et quand tu vas dans je ne sais plus quelle église, prononce une brève prière à la gloire de Marie. » Il entre dans l'église en tant que juif. Et 10 minutes plus tard, il en sort converti au catholicisme. Il dit « Je l'ai vue. Je l'ai vue telle qu'elle est sur ma médaille. » Vous voyez, c'est charmant d'ailleurs. Elle est venue et à ce moment-là, il se convertit au catholicisme. Et les frères Ratisbonne, en tant que juifs convertis, fondent l'ordre de Sion, hein, qui est une des collines de Jérusalem, hein, pour amener les juifs du monde entier dans le juste chemin, étant donné que l'Ancien Testament n'est que l'ébauche du Nouveau Testament, et finalement faire fusionner en quelque sorte la religion juive et la religion chrétienne. Mes parents, sans posséder une grosse fortune, jouissait d'une large aisance gagnée dans les affaires. À l'époque de la guerre de 1870, j'étais alors une enfant. Nous habitions un château en Normandie, le château de Louvière à Vaux-sur-Orne. Nous avions domestiques, chevaux, voitures. Quelque temps après la guerre, mon père se lançait dans des entreprises qui lui faisaient tout perdre. Nous avons connu la misère dans ce qu'elle a de plus affreux, de plus poignant. La misère des pauvres honteux, trop fiers pour demander, et qui préfèrent souffrir en silence plutôt que de recourir à la charité d'autrui. Me voyant sans dot, je compris alors qu'il me fallait renoncer à toute union conforme à mes goûts. Dans mes rêves de jeune fille, j'espérais me voir mariée un jour à quelque brillant officier, ou bien devenue châtelaine comme ma mère, si belle et si aimée. Sentant mon avenir perdu et ne pouvant supporter l'idée d'épouser soit un petit employé de bureau, soit mieux quelque vulgaire ouvrier, mes aspirations se tournèrent tout à coup d'un autre côté. Je pris la résolution d'entrer au couvent. Une amie me fit l'éloge de celui des Dames de Sion. Mon choix s'y arrêta. J'étais simple, innocente et naïve. Je m'enthousiasmais à l'idée d'imiter Madame Louise de France, Madame de Vallière qui avait tout quitté, qui avaient sacrifié santé, jeunesse, fortune, bonheur pour consacrer leur vie entière à la prière et à la charité dans le silence du cloître. J'avais 18 ans. Je croyais à la vertu, à la sainteté. Éprise d'idéal, séduite par les beautés du sacrifice, par les grandeurs sublimes du dévouement religieux, je vins frapper à la porte de cette maison maudite. Hélas, à peine entrée, toutes mes illusions tombèrent une à une. J'avais cru vivre avec des anges, je rencontrais les démons. Je retrouvais en petit le monde que je venais de quitter, les bassesses, les rivalités, la jalousie, les calculs intéressés, l'injustice, l'avarice, l'orgueil, la ruse, la gourmandise, la sensualité. tout le hideux cortège des vices et des défauts de la nature humaine, et en plus, la fourberie, l'hypocrisie, la prétention de se croire meilleur que le reste du monde parce qu'on quête un salut religieux. Bientôt, un immense dégoût me prit. Ne voulant pas reculer, j'appelai à mon secours toutes les croyances de mon enfance concernant la vie future. Je pris le parti de rester quand même, de faire mon devoir, dans l'espérance d'en être récompensé par-delà la tombe. Elle en veut à mort à ses sœurs qui lui ont refusé finalement la destinée à laquelle elle aspirait quand même. Elle a passé 10 ans de sa vie, 12 ans de sa vie, c'était dans l'espoir de devenir religieuse. On le lui interdit. Alors, à partir de là, il y a vraiment, elle fait un procès très, très véhément, trop véhément de la fourberie, de ce qui se passe dans les couvents. Alors, ce qu'on peut dire des couvents, c'est que ce sont des lieux, de contamination, parce que on vit dans des dortoirs, c'est mal chauffé. Si quelqu'un a une maladie, évidemment, la voisine l'attrape tout de suite. Ce sont de grands dortoirs, elles doivent être 20, 30, je n'en sais rien. Il y a une petite tenture qui sépare un lit de l'autre. Et là, elle a attrapé, elle a probablement une tuberculose. Enfin, d'après ce que je crois comprendre, une maladie pulmonaire en tout cas. Donc ça, on le sait. On sait aussi qu'elle a été très vite envoyée à Jassy, en Roumanie. Vous voyez, la Roumanie, en 1890, ça ne devait pas être de la tarte, quand même. Elle s'y est trouvée assez mal, certainement, mais elle vivait entre elles. C'était un milieu fermé, le couvent. Et bon, elle faisait son métier d'enseignante. Oui, parce que les dames de Sion ont une vocation de mission. Elles ne sont pas cloîtrées, ne font pas vœux de silence. Elles sont en contact avec un public. Elles sont là pour convertir, en fait. Quelques jours avant le 8 septembre 1892, on me prévient que je ne serai pas admise au renouvellement de mes vœux, me disant que je n'ai pas la vocation religieuse. Des démarches sont entreprises pour obtenir de la supérieure générale une indemnité de 10 à 12 000 francs pour le préjudice qui m'avait été causé. Un procès est entamé, j'écris au pape et au ministère des cultes pour réclamer mes droits. Mais le 3 janvier 1893, je suis obligée de renoncer à ceci et de capituler en l'étude de maître Bettineau, la supérieure générale ayant su habilement profiter de ma misère ainsi que de celle de mon frère et ma mère, pour me frustrer d'une somme d'environ 20 000 francs que je pensais pouvoir réclamer, somme représentant l'enseignement donné pendant 12 années chez les dames de Sion. Dans le cas de Eugénie Guilloux, on n'a rien sur les 12 années de sa vie au couvent, pas un mot. Et les seules traces qu'on a, c'est quand elle commence à contester son exclusion. Elle la conteste en termes financiers, elle fait un procès, elle est procédurière, elle est en combat, si vous voulez. Elle s'estime victime d'une injustice. Comment voulez-vous prendre comme argent comptant ce qui est dit dans ces circonstances-là? Donc on ne sait rien sur sa vie au couvent, sinon qu'elle a probablement fait l'expérience du fouet, probablement, mais c'est pas sûr à 100%. Enfin, c'était des pratiques assez courantes, on fouettait assez facilement, c'était un châtiment corporel assez répandu, et le châtiment corporel est bien connu, on dénude les fesses, ça se passe en public, ça crée des émotions que Rousseau a très bien racontées. Et par la suite, lorsqu'elle va quitter les ordres, elle va volontiers s'habiller en religieuse. Et au début de ses exercices professionnels, de prostituée, si on peut dire, elle se présentera comme fustigatrice, aimant être fouettée ou proposant de fouetter. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Et il y a un moment, je vous dis, on gamberge, on imagine. Et quand il s'agit des religieuses, on imagine beaucoup de choses. Et c'est là qu'elle est assez subtile, c'est qu'elle se rend compte qu'elle va pouvoir monnayer son habit de religieuse. Une fois qu'elle est exclue de la communauté, elle cherche à se venger se venger de cette injustice et puis à gagner un peu sa vie, un peu mieux qu'elle ne le ferait en tant qu'enseignante, si vous voulez. Alors ça, elle n'y arrive pas tout de suite, on ne sait pas ce qu'elle fait après sa sortie du couvent. Elle a 30 ans lorsqu'elle est exclue des Dames de Sion. 30 ans, c'est assez âgé pour une femme oui, à cette époque. Oui, oui. C'est que ça devient compliqué de se marier, de trouver un bon parti. Il n'en est pas question, je crois, dans son cas. Et là, on la perd pendant quelques années, donc on ne sait pas bien comment elle passe d'un monde à l'autre, comment se fait la transition. Ben, c'est le problème ou l'intérêt peut-être de ces archives, c'est qu'elles ont en effet, il y a des lacunes de longue durée. On ne sait pas comment elle a vécu vraiment le couvent, on ne sait pas ce qu'elle fait au sortir du couvent, et on ne commence à avoir des documents qu'à partir du moment où elle devient suspecte à la police et elle est fliquée. Hein, et à ce moment-là, oui, là, les documents sont là. Là, elle a déjà 39 ans à ce moment-là. Paris, 2 juillet 1901. Madame, voilà bien longtemps que je vois vos annonces dans le journal. Vous dites que vous vous chargez de trouver tout ce que l'on désire. Est-ce bien vrai? Pouvez-vous vous charger de ce que je vais vous demander, mais sous le voile de l'anonymat, afin de vous parler avec toute liberté, car il s'agit d'une chose délicate, au sujet de laquelle je ne puis vous donner mon adresse. Voici de quoi il s'agit. Brune, un peu forte, j'ai 35 ans, je suis femme du monde, extérieure sympathique sans être belle, je suis très instruite, possède mes diplômes, suis musicienne, peintre, linguiste, etc. J'ai un tempérament très rare. Je n'aime pas l'homme au point de vue des rapports sexuels. Je cherche un amant qui aimerait à me fesser, car ce désir d'être fouetté est chez moi une passion violente. Je sais qu'il se rencontre des hommes aimant passionnément à fesser les femmes, et que c'est chez eux un besoin dont ils ne peuvent se passer. Mais je ne sais comment faire pour me mettre en rapport avec l'un d'eux. Pouvez-vous m'en trouver un qui ait vraiment ce tempérament? Connaissez-vous des maisons spéciales s'occupant de ce genre érotique? Je ne puis rien vous verser d'avance, mais si vous me donnez satisfaction en cela, vous pourrez vous faire payer généreusement du monsieur d'abord. Je vous dédommagerai aussi pour mon compte après réussite. Recevez mes civilités distinguées. Eugénie Guillou, poste restante, place du Trocadéro, Paris. Je vous demande toute discrétion. L'âge m'est indifférent. Toutefois, je préférerais un homme d'un certain âge. Note de la police. Renseignez à nouveau sur une dame Guillou, dite de Launay, qui habite actuellement 16 boulevard des Batignolles. Cette personne s'est présentée dans plusieurs maisons discrètes dans le but de se faire fouetter par des messieurs ou dames aisés. Qu'est-ce que fait la police ? Ils dépouillaient beaucoup les petites annonces. C'est vraiment par les petites annonces qu'on repérait les offres un peu suspectes. Je donne des leçons particulières. Chère madame, je viens vous informer que je me suis procuré de nouveaux instruments de pénitence du couvent, très intéressants. Si vous me fixez rendez-vous, veuillez ne plus dire que j'aime la flagellation. Ce jeune monsieur que j'ai vu chez vous m'a fait des marques qui ont duré longtemps. Et tous, ils y vont trop brutalement. Dites que je puis les corriger en religieuse ou les amuser autrement. Je vous apporterai aussi mon manuscrit, où vous verrez des gravures des plus curieuses. Arrangez-vous pour que j'aie au moins chaque fois 20 à 25 francs pour moi. Chaque fois que vous me ferez faire une affaire, je vous donnerai avant de partir une petite leçon de piano et bientôt vous commencerez à jouer quelques morceaux faciles. Je vous donnerai aussi, à titre gracieux, une petite notice imprimée dont je suis auteur pour s'apprendre à soi-même à jouer du piano sans professeur. Espérant que vous penserez bientôt à moi, je vous prie d'agréer mes civilités. Eugénie Guillou de Launay, 19 avenue de Wagram. Postscriptum. Déchirer de suite ma lettre et surtout ne donner mon adresse à personne, je ne puis recevoir chez moi. Cela me causerait des ennuis avec la concierge et le propriétaire. Dites-moi aussi, au cas où j'amènerai moi-même un monsieur pour le voir chez vous, si vous pouvez me céder votre chambre pour 10 francs. La gymnastique des doigts ou l'étude rapide du piano. Madame de F, institutrice, 62 rue Saussure, au troisième étage, de 2h à 7h tous les jours. Donc à ce moment-là, la police découpe un col sur une feuille, fait sa petite fiche et puis va voir un peu ce qui se passe à telle adresse, qui est cette dame qui fait la gymnastique des doigts. Daniel Grojnowski. Et très vite, on s'aperçoit donc qu'il s'agit d'une femme un peu étrange, à plusieurs titres d'ailleurs. C'est pas habituel dans les rapports de police, enfin c'est pas obligatoire en tout cas. Très souvent on voit pas belle, hein. Petite, brune, point belle. Hein. Donc comme si ça frappait un peu les policiers voir une prostituée qui est pas spécialement avenante, si vous voulez. Enfin c'est un terme que j'ai retrouvé à plusieurs reprises. Et ils s'aperçoivent donc très vite que elle utilise l'habit de religieuse qu'elle répond ou qu'elle donne. Elle donne des annonces, elle publie des annonces et elle répond à des annonces où la fustigation joue un rôle important. Dame du Monde donne leçon d'anglais de 2h à 7h. Madame de Florinval, 62 rue Saussure, au troisième étage, parc Monceau. Rapport. Paris, le 3 octobre 1902. J'ai l'honneur de rendre compte à monsieur le commissaire de police, chef du service, que la dénommée Guillou de Launay, demeurant 13 boulevard des Batignolles, ayant dossier au AM, affaire des mœurs, s'est présentée chez la correspondante Nelly, 72 rue Thébou, et lui a proposé ce qui suit. La nommée Guillou de Launay a fait connaissance d'une jeune fille âgée de 21 ans, soit 10 ans, mais qui, habillée en jupe courte, n'en paraît pas plus que 14 ans. De plus, elle a rencontré l'abbé Boutère. À eux trois, ils font des scènes de proxénétisme dans lesquelles on fouette la petite fille. La nommée Guillou cherche une maison de rendez-vous où elle pourrait reproduire ces scènes, moyennant rétribution. L'inspecteur. Dans les maisons closes, il y a des filles. Hein, elles sont encartées. C'est pour ça qu'on on les appelle maisons de tolérance, on les tolère. Parce qu'on peut les contrôler. Hein, on peut savoir, d'abord, faut pas qu'elle soit mineure, hein, ça c'est vraiment le péché absolu, et ensuite, faut pas qu'elle contamine les jeunes gens qui sont des futurs soldats d'ailleurs. Hein. Donc elles sont déclarées auprès des autorités et elles sont contrôlées par des médecins régulièrement. Voilà, ça c'est les régulières, hein, ça c'est les maisons closes. Mais Eugénie Guillou travaille à son propre compte. Hein, elle met des petites annonces et elle invite à venir chez elle hein, des gens à qui elle propose certains services. Hein. Qui sont plus ou moins explicités dans les annonces. Note de la police des mœurs, sous la désignation baigneuse. Paris, le 12 juin 1902. On signale une fustigatrice qui s'est fait connaître sous le nom de Guillou de Launay, demeurant avenue Wagram, numéro 19. La susnommée s'est présentée dans le courant de la semaine chez la correspondante avec un énorme carton à la main contenant un costume de religieuse avec une croix rouge sur la poitrine et tout un attirail de flagellation. La nommée Guillou cherche des individus amateurs pour lui faire subir le supplice de la flagellation. Il est entendu qu'il faut qu'on la paye. Cette femme prétend qu'elle a été dans les ordres et que c'est au couvent que cette passion lui est venue. Elle a montré ses cuisses couvertes de cicatrices provenant de coups de martinet, cordes à nœuds et piqûres d'épingles. Déclare qu'elle est encore vierge et qu'elle se laisserait déflorer pour 4000 francs. Âgée de 40 ans, taille moyenne, assez forte corpulence, cheveux bruns, les yeux maquillés. Et sinon, elle se rend dans des lieux, dans des maisons de rendez-vous qui ne sont pas des maisons closes. Hein, la maison de rendez-vous n'est pas une maison close. C'est-à-dire qu'elle y va librement, sur rendez-vous, en posant des conditions et des tarifs qui sont des tarifs qui sont beaucoup plus élevés parce qu'elle a des spécialités. Hein. La spécialité, c'est la fustigation et c'est la bide religieuse, notamment. En tout cas, elle demande un tarif bien plus élevé que le tarif ordinaire des filles. Hein. Et les filles des maisons closes, elles ne touchaient qu'une partie de l'argent qu'on leur donnait. Pour ça qu'elles demandaient chaque fois mon petit cadeau. Ce qui n'est pas le cas des maisons de rendez-vous. Non, la maison de rendez-vous assure une plus grande autonomie. Hein. D'abord, le client vient dans un lieu discret. Il n'y a pas une... pas affiché par un gros numéro comme le sont les maisons closes. Ça peut être dans des beaux quartiers, c'est des maisons discrètes. Et il peut aussi... il a un rendez-vous, il a une chambre qui est propre, enfin qui est un peu confortable. Et on lui donne une carte des dames pour faire son choix. Ce qui existe aussi dans les bordels, dans les maisons closes, où la patronne dit les dames au salon, alors toutes les filles descendent en petite tenue, on voit ça dans beaucoup d'illustrations de Gautreck et d'autres, et le client fait son choix, celle-là. Mais dans la maison de rendez-vous, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est là qu'il y a une distinction très, très, très importante pour comprendre un peu les pratiques d'Eugénie Guillou. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas une putain. La susnommée s'exprime très bien. Elle paraît avoir reçu une instruction solide. On ne lui connaît pas d'amant. Daniel Grojnowski, arrive-t-on à cerner le rapport que Eugénie Guillou entretient avec les hommes ? Elle n'aime pas l'homme. Il ne semble pas qu'elle soit intéressée par la femme non plus. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment... Il y a des scénarios. Hein. Alors, vous voyez, c'est ça la sexualité pour elle, des scénarios un peu extravagants, érotiques, si vous voulez. Copie du rapport, première division, deuxième bureau, troisième section, transmise au premier bureau du cabinet le 10 décembre 1902. En exécution d'instructions de monsieur le préfet de police, en date du 8 décembre courant, je me suis transporté hier soir à 4 heures, en compagnie de mon inspecteur principal, monsieur Badin, et d'agents de service, dans l'appartement occupé par mademoiselle Guillou, Eugénie Marie, dite de Launay, dite de Florinval, au numéro 62 de la rue Saussure, et signalée comme recevant chez elle des filles mineures. Ayant frappé à la porte de l'appartement que la nommée Guillou occupe au troisième étage, une femme vêtue d'un costume des religieuses de Notre-Dame de Sion vint m'ouvrir. Cette femme n'était autre que la nommée Guillou. Rapidement, je lui déclinai ma qualité et lui faisais connaître l'objet de ma visite, puis pénétrai chez elle. Dans la salle à manger, séparée en deux parties par un grand rideau rouge, j'ai trouvé d'un côté un homme en caleçon, la figure couverte d'un loup, auquel était adaptée une dentelle lui masquant le bas du visage et qui, interpellé, m'a déclaré se nommer Joseph Chauvin, de la maison Chauvin et fils, frère de Bordeaux. Il m'avoua être de passage à Paris et être venu dans cette maison pour s'amuser. De l'autre côté du rideau se trouvaient trois jeunes femmes entièrement nues et qui, pour le régal des yeux de l'homme présent, lequel assistait à leurs ébats en regardant par un trou pratiqué dans le rideau, prenaient des poses plastiques des plus suggestives. Interpellée sur ce qui se passait chez elle, la dénommée Guillou me dit qu'elle était institutrice, ainsi que l'indiquait une plaque apposée à la porte de son appartement et portant cette indication « institutrice diplômée ». Elle expliqua la présence des trois femmes trouvées nues chez elle en me disant que, s'occupant de peinture, les trois femmes n'étaient autres que des modèles. Bien qu'elle m'ait déclaré n'avoir jamais subi l'approche d'un homme, la nommée Guillou Eugénie Marie a été dirigée sur le dépôt, le genre d'existence adopté par cette femme laissant supposer que, le cas échéant, elle se livre à la débauche. Au cours de cette opération, j'ai saisi et je transmets 5 martinets et une cravache pouvant servir à la flagellation. Un petit appareil vraisemblablement destiné à pratiquer sur les parties sexuelles des chatouillements et des picotements. Je transmets également le loup que l'individu portait, ainsi qu'un tableau saisi dans la salle à manger de la nommée Guillou. l'inspecteur principal. Je crois quand même que la prison l'a considérablement assagi, parce que on ne voit plus trace de ces espèces de ce que j'appelais des scénarios, hein, des scénarios érotiques, qui nous paraissent bizarroïdes, qui étaient peut-être moins bizarres que ça à l'époque. Et donc, elle s'assagit. Et pour elle s'assagir, c'est faire des affaires, hein. Alors, c'est la maison de rendez-vous, beauty service, enfin bon, elle ouvre un commerce, hein, soi-disant pour la beauté de la femme, et il y a aussi des demoiselles qui rendent d'autres services aux clients. Mais vous voyez, elle n'a plus ces scénarios fantasques, hein, parce que la police ne supporte pas, hein, qu'on fasse venir des gens leur faisant croire qu'ils auront des petites filles mineures. Hein. Donc elle s'assagit relativement, si vous voulez. Donc le souci de la police, c'est la maladie vénérienne et les mineurs. Les fantasmes, alors là... L'Écho de Paris, 28 avril 1908. Beauty Palace, 77 rue Turbigot, esthétique, hydrothérapie médicale, salle de bain, massage diplômé. Il y a un moment où elle devient quand même, à l'époque, c'est net, donc elle a une maison de rendez-vous, hein, et elle a du personnel. Hein, et... Ça, c'est une période faste, entre 1903 et 1913. Oui, là, elle devient chef d'entreprise. Madame Lucie Raymond, élégant appartement et pied-à-terre meublé, chambre au mois et à la journée, visible de 2h à 7h, semaine, dimanche et fête. English spoken. 54 rue de la Victoire, deuxième étage, maison bourgeoise. Au dos de cette carte, une chambre bien garnie sera mise à titre gracieux à la disposition de Monsieur Lépine toutes les fois que la chose lui sera agréable. Mais il est bien certain que la police avait besoin de renseignements. La police avait besoin de femmes qui les aidaient à la surveillance, hein, au respect de la loi. Pas de mineurs, hein, ça c'est absolu, pas de mineurs et pas de syphilis, hein, bien, ou de maladies vénériennes. Hein, ça c'est vraiment les Et pour surveiller comme ça un personnel qui est si mobile avec une clientèle si nombreuse, on a besoin d'indicateurs. Et il y a un moment, très nettement, elle travaille, oui, elle se met aussi... Enfin, elle est une informatrice de bonne qualité. Elle dénonce même certaines de ses filles, enfin, de certaines de ses femmes qui travaillent à son service. Ce qui est amusant, il y a une lettre d'un policier qui proteste parce qu'on lui cherche des ennuis. Il dit « laissez-la tranquille, hein. ». Il y a plusieurs services à la police. Alors, ils sont parfois en rivalité où l'un ignore ce que fait l'autre. Et à un moment, il y a un service de police qui vient interroger Eugénie Guillou. Et il y a un autre service, le responsable d'un autre service, qui dit « laissez-la tranquille, elle me donne des informations très précieuses. Et si quelqu'un doit intervenir, c'est moi et c'est pas vous. » Rapport. Le 20 mars 1903. J'ai l'honneur d'attirer spécialement l'attention de Monsieur le directeur général des recherches sur le fait qui vient de parvenir à ma connaissance. À mon insu, une descente de police a été faite par mon collègue Monsieur Cotillon, plus spécialement chargé du quartier Rochechouart, chez la nommée Guillou, Eugénie Marie, dite de Launay, dite de Florinval, dite du Lac, demeurant 25 rue de Belfond, où elle occupe au troisième étage un appartement composé de 3 pièces d'un loyer annuel de 700 francs. Au cours de cette opération, 2 femmes auraient été dirigées sur le dépôt de la préfecture de police, ainsi que la nommée Guillou, qui les tenait à la disposition de visiteurs. À plus d'un titre, cette manière de faire est fâcheuse. La surveillance des maisons dites de rendez-vous étant confiée à mon service, qui, par voie de conséquence, est appelé à fournir des renseignements qui peuvent être de nature à décider de l'opportunité qu'il y a de procéder à des visites de police chez telle ou telle tenancière d'une de ces maisons. Or, en ce qui concerne la nommée Guillou, si j'avais été amené à formuler un avis sur l'utilité de faire une descente chez elle, j'aurais fait connaître qu'il y a tout au moins lieu de différer cette opération. Et voici pourquoi. La nommée Guillou doit instamment changer de domicile. Ce changement fait, elle doit adresser une demande à monsieur le préfet de police dans le but d'être autorisée à exploiter une maison de rendez-vous. En attendant, elle avait chez elle deux femmes reconnues saines qui passaient régulièrement les visites d'un médecin. Cette situation n'était donc que temporaire. Aussi, je n'avais pas cru devoir interdire tout commerce à la nommée Guillou, d'autant plus que celle-ci me fournit depuis quelque temps des renseignements utiles. On conçoit aisément que si dans l'avenir des descentes de police étaient faites par mes collègues des différents quartiers de la capitale dans d'autres maisons exploitées par mes correspondantes, on ne tarderait pas à tarir une source de renseignements précieux et que cette compréhension des intérêts de l'administration serait d'autant plus mauvaise qu'elle s'érige en adversaire d'une méthode qui, jusqu'à ce jour, a porté ses fruits. Le commissaire de police. Vous voyez un petit peu ce jeu complexe. Hein, alors là, on est dans l'institution. Hein. Là, on est vraiment dans l'institution prostitutionnelle de l'époque, parce que on a, et c'est l'intérêt de ce dossier, en fait. L'intérêt de ce dossier ne vient pas de l'intimité, on ne sait rien de l'intimité. Il y a énormément de lacunes dans sa biographie. Par contre, je crois que c'est unique, ça. On a les principaux acteurs. Hein, la prostitution, c'est vraiment une série d'acteurs, hein, très divers, multiples. C'est pas une fille hein, et son client. Hein, c'est l'image un peu, stéréotypée qu'on a. Non, il y a toutes sortes d'acteurs. Il y a des intermédiaires. Il y a la police. Il y a les indicateurs. Il y a les filles qui se jalousent. Il y a les clients qui dénoncent. Il y a le type qui attrape une maladie vénérienne. Il y a le type qui fait chanter. Il y a le voisin qui dit mais c'est pas possible. On n'a pas. Nous on est voisins. On n'a pas envie de voir des scènes comme ça, etc., etc. Tarifs et règlements de la maison. Les visiteurs sont tenus de verser 10 francs pour la dame dont il sera remis à celle-ci la moitié, soit 5 francs. 10 francs pour la chambre. 10 francs pour les frais d'annonce. Un supplément de 1 à 5 francs pour le linge, l'éclairage, le chauffage, le service. Les dames ont la permission de donner leur adresse aux visiteurs et de les recevoir chez elles sans que la directrice puisse s'en formaliser ou réclamer la moindre commission à ce sujet. Le soleil, lui, pour tout le monde, chacun a le droit d'en profiter. Les pourboires pour la bonne ne sont pas obligatoires, la directrice les prenant à sa charge. Des avantages particuliers seront faits aux dames qui peuvent venir de 10h du matin à 10h du soir. Il est défendu aux dames de fumer, de crier, de chanter à haute voix ou de faire tout autre bruit de nature à troubler la tranquillité de l'appartement. Lu et approuvé, signature, date. Elle s'adresse à une clientèle d'une certaine qualité ? J'ai l'impression. Hein, les maisons de rendez-vous, je cite le passage, c'est dans Huysmans, dans Un rebours, chapitre, dit le désir bestial, maintenant on n'en veut plus. Hein, on n'en veut plus. Donc, c'est passé de mode. Oui, enfin c'est pour le vulgaire, c'est pour les ouvriers. Dans le simulacre amoureux, la maison de rendez-vous va plus du côté de l'intimité, tandis que la maison close, plus du côté du public. Hein. Il n'y a pas ça dans la maison de rendez-vous. Il ne devrait pas y avoir ça. Il ne faut pas idéaliser non plus. Hein. Mais oui, on y cherche l'intimité et ça coûte plus cher. Eugénie Guillou à la police. Sans date. Monsieur, quand vous enverrez dans mon quartier un de vos employés, auriez-vous l'obligeance de lui dire de passer chez moi pour que je vous donne l'état civil d'une mineure de 18 ans et de deux sœurs de Levallois-Perret qui font des rendez-vous chez une modiste du boulevard Haussmann ? Recevez mes salutations distinguées, Madame de Florinval. Post-scriptum, ces trois personnes sont venues vendredi et samedi. elle participe au pouvoir de la police, si vous voulez, par les informations qu'elle donne, par la régulation qu'elle prétend assumer. Hein, elle écrit à un commissaire, je crois, à Madame Attel ou Mademoiselle Attel qui est venue, mais j'ai l'impression qu'elle n'avait pas 21 ans. Je lui dis de revenir avec un certificat de naissance, par exemple. Donc, elle joue un peu ce rôle. Hein. Elle est bivalente. Hein. Elle est à la fois elle n'est pas hors la loi. Hein. Elle est dans la loi, mais c'est une partenaire de la police pour moi. Elle fraye avec les marges. Oui, elle est obligée. Hein, sinon, si elle est mal vue par les services de la police, on lui crée les pires ennuis. Hein, on envoie un médecin sans arrêt, enfin, on harcèle les gens. Donc elle a intérêt à être du côté du pouvoir, si vous voulez. Le pouvoir, c'est la police. Et elle fait tout. Hein, elle a des... D'ailleurs, comme elle sait... Comme elle écrit bien, elle argumente bien, elle a un esprit clair, extrêmement précis. D'ailleurs, c'est au point qu'à la fin, elle propose ses services à la police. Lettre d'Eugénie Guillou à Monsieur Le Fils, service des Garnis, préfecture de police. Paris, 12 octobre 1912. Monsieur, tout ce qui se rapporte à la police secrète m'a toujours beaucoup intéressé et attiré. J'aurai le plus grand plaisir à me voir devenir actrice dans la recherche des crimes ou des délits, ayant l'imagination fertile en expédients et trucs de toutes sortes à cet effet. Je puis, au besoin, me déguiser en religieuse, en nourrice, en porteuse de pain, etc., etc. Je pourrais certainement vous rendre service, ne serait-ce que pour la recherche des mineurs. Une femme a ses entrées partout, on ne se méfie pas d'elle comme d'un homme. En me présentant, par exemple, dans une maison de rendez-vous comme une mère voulant livrer sa fillette, je pourrais parfois vous donner d'utiles renseignements sur les tenancières que vous suspectez de faire ce trafic abominable. Je viendrai, comme vous me l'avez dit, vous voir demain matin lundi vers 10h30. Si je me permets de vous écrire cette longue lettre, c'est pour que vous ayez le temps de réfléchir, avant ma visite, en quoi je pourrais vous être utile. Recevez, monsieur, mes empressées salutations. Eugénie Guillou, 268 rue Saint-Jacques. C'est vraiment une demande d'emploi qui a été refusée, ça pour des raisons que j'ignore. Oui, elle tente le coup, hein, au cas où le commissaire aurait besoin d'un service comme ça, d'information un peu discret. Elle propose ses services. Le plus drôle, c'est que je crois que c'est l'un des derniers documents. Elle est à son tour filée par il y a un policier qui la suit pour voir qui elle est, cette femme qui propose ses services. Le supplément, 22 avril 1913. Naguère fleur ignorée dans l'ombre du cloître, âge moyen, physique sympathique, nature mystique et douce, regrettant la vie austère d'antan, que n'ai-je un foyer me la rappelant? Quel mari d'âge sérieux, aisé, aimant et ferme réalisera mon rêve? Poste privé, 22 rue du Vieux Colombier, réponse dans la huitaine. Et puis arrive l'année 1913, Daniel Grojnovski, après laquelle Eugénie Guillou disparaît. Elle a une cinquantaine d'années. Hein. C'est une fabulatrice. Hein. Eugénie Guillou, c'est une fabulatrice. Elle a emprunté, je crois, une dizaine de pseudonymes au cours de sa vie. Hein, elle joue des rôles extrêmement divers, hein, y compris religieux, c'était peut-être le premier de ses rôles. Et lorsqu'elle publie une annonce comme ça, très très littéraire, très très écrite, qui est très fleur bleue, hein, bon, je ne sais pas comment la prendre. On peut rêver. On peut croire qu'elle en a un peu marre de cette vie d'errance, d'échecs, que peut-être qu'elle veut se caser. Mais c'est purement hypothétique. Hein. Hein, c'est vraiment une fin ouverte. Elle disparaît à jamais. Elle se dirige au numéro 6 de la place de l'Opéra, immeuble où se tiennent les bureaux du journal L'Écho de Paris et du Chicago Daily News. 10 minutes après, elle en sort et prend l'itinéraire suivant. Boulevard des Capucines, où elle prend place sur un banc en face du numéro 26 pour se reposer quelques minutes. Elle continue les boulevards, prend la rue Drouot, traverse le faubourg Montmartre et prend la rue Buffaut, où au numéro 10, elle rentre dans une crèmerie tenue par Madame Presle et y achète un œuf et du fromage. Elle reprend la rue Lafayette à droite, à l'angle de cette rue et de la rue Bleue, elle marchande des bananes à une marchande de 4 saisons, mais n'en achète pas. Elle s'engage dans la rue Montaulon, où au numéro 15, elle rentre dans une boulangerie et y achète 2 petits pains. Elle passe rue Papillon et revient rue Bleue pour gagner le faubourg Poissonnière, où au numéro 66, elle rentre dans une pâtisserie tenue par Madame Villiot et y achète un petit gâteau. Elle retourne à nouveau à l'angle du dit faubourg et de la rue Bleue pour acheter des marrons cuits et s'engage dans la rue Papillon. Traverse la rue Lafayette, se dirigeant au chalet de nécessité du square Montaulon, demandant les cabinets gratuits à la tenancière, elle en sort par derrière dans le jardin même où, à 6h10, elle s'assied sur un banc après avoir changé de place 2 fois et fait un repas des provisions achetées en cours de route et contenues dans le sac de voyage. Son repas terminé, à 6h35, elle sort du square Montaulon par le côté de la rue Rochambeau pour revenir à la station de l'autobus square Montaulon-Montrouge. Elle prend place dans cette voiture et descend rue des Feuillantines à l'angle de la rue Saint-Jacques pour gagner à pied le numéro 268 de cette rue à l'hôtel du Languedoc et du Cantal où elle doit être connue, étant passée sans s'arrêter au bureau. À 8h, cette dame n'étant pas sortie de l'hôtel, j'ai levé ma surveillance. L'inspecteur. Merci à Daniel Grojnowski. Lecture, Céline Baumgartner et Bernard Bouillon. Prise de son, Manuel Couturier, Bernard Laniel, Julien Douminc et Laurent César. Mixage, Jean-Richard Dufour. La belle époque d'Eugénie, un documentaire d'Anaïs Quien et Françoise Camard. La main qui cherche à se poser roule dans la vague carrosse. Suite demain de nos émissions consacrées à l'histoire des sexualités, nous vous proposons un documentaire de 2003 consacré au rapport Simon sur la sexualité en France. Si vous voulez bien entendu écouter ou réécouter cette série, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC, Fabrique FC.